Tout là-bas, de l'autre côté des allées, je voyais la cuisine. Sœur Désirée des Anges, longue et droite, m'attendait à la porte. Je ne voyais d'elle que sa cornette et sa robe noire, et je l'imaginais vieille et sèche. L'idée me vint de me sauver. Je n'avais qu'à courir jusqu'à la porte. Je dirais à Bel Œil que j'étais venu en visite. Elle me laisserait sortir et tout serait dit. Au lieu d'aller du côté de la porte, je me dirigeais vers les bâtiments où s'était passée mon enfance. Je ne savais pas pourquoi j'y allais, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y aller. Je ressentais aussi une grande fatigue, et j'aurais voulu m'étendre pour dormir longtemps. Le vieux banc était toujours à sa place. J'écartais de la main la neige qui le recouvrait, et je m'assis en m'appuyant au tilleul, comme autrefois monsieur le curé. J'attendais quelque chose et je ne savais pas quoi. Je regardais la fenêtre de la chambre de sœur Marie-Aimée. Elle n'avait plus ses beaux rideaux de mousseline brodée, mais elle avait beau être pareille aux autres, je la trouvais quand même différente. Et si les épais rideaux de calicot ne déparaient pas les autres fenêtres, ils lui faisaient, à elle, comme un visage aux yeux fermés. La nuit commença à tomber sur les allées et les lumières s'allumaient à l'intérieur des salles. Je voulais me lever du banc. Je pensais, Bel Œil va m'ouvrir la porte. Mais mon corps était comme écrasé, et il me semblait que des mains larges et dures se posaient lourdement sur ma tête, et toujours ces mots revenaient, comme si je les avais prononcés tout haut. Bel Œil va m'ouvrir la porte. Mais voilà qu'une voix pleine de pitié disait près de moi. Je vous en prie, Marie-Claire, ne restez pas ainsi dans la neige. Je relevai la tête. J'avais devant moi une toute jeune religieuse dont le visage était si beau que je ne me souvenais pas d'en avoir jamais vu de pareil. Elle se pencha pour m'aider à me lever, et comme j'avais de la peine à me tenir debout, elle passa mon bras sous le sien pendant qu'elle disait « Appuyez-vous sur moi ». Je vis aussitôt qu'elle me conduisait vers les cuisines, dont la large porte vitrée était tout éclairée. Je ne pensais plus à rien. La neige qui tombait fine et dure me piquait le visage, et je sentais de violentes brûlures aux paupières. En entrant dans les cuisines, je reconnus les deux jeunes filles qui se tenaient devant le grand fourneau carré. C'était Véronique la Pimbèche et la grosse Mélanie, et il me sembla entendre sœur Marie-Aimée quand elle les nommait ainsi. Seule la grosse Mélanie me fit un petit signe au passage, et j'entrai avec la jeune sœur dans une chambre éclairée par une veilleuse. La chambre était séparée en deux par un grand rideau blanc. La jeune sœur me fit asseoir sur une chaise qu'elle tira de derrière le rideau, et elle sortit sans rien dire. Peu après, la grosse Mélanie et Véronique Lapinbèche entrèrent pour mettre du linge propre au petit lit de fer qui était à côté de moi. Quand elles eurent fini, Véronique, qui avait évité de me regarder, se tourna vers moi pour me dire qu'on n'aurait jamais cru que je serais revenue. Elle avait un air méprisant, comme si elle me reprochait une chose honteuse. La grosse Mélanie joignit ses mains sous son menton. Elle penchait toujours la tête de côté, comme quand elle était petite fille. Elle me dit avec un sourire affectueux « Je suis bien contente qu'on t'ait mise aux cuisines. » Puis elle tapota un peu le lit. « Tu prends ma place, c'est moi qui couchais ici. » Elle montra du doigt le rideau en baissant la voix. « Sœur Désirée des Anges couche là. » Quand elles furent parties, en fermant la porte derrière elles, je m'approchai du lit de fer. Ce grand rideau blanc m'impressionnait. Il me semblait voir remuer les ombres dans le creux des plis que la veilleuse n'éclairait pas. Mon attention fut détournée par la cloche du dîner. J'en regardais le son et, malgré moi, j'en comptais les coups. Puis le silence se fit et la jeune sœur entra de nouveau dans la chambre. Elle m'apportait un bol de bouillon tout fumant. Elle fit glisser le grand rideau sur sa tringle, et elle eut presque le même geste que Mélanie quand elle dit « Voici votre chambre et voici la mienne. » Je fus tout de suite rassurée en voyant que son petit lit de fer était pareil au mien. Je commençai à penser que j'avais devant moi sœur Désirée des Anges, mais je n'osais pas y croire et je le lui demandai. Elle fit oui de la tête, tout en approchant sa chaise de la mienne. Elle dit en mettant son visage dans la lumière. « On dirait que vous ne me reconnaissez pas. » Je la regardais sans répondre. Non, je ne la reconnaissais pas. J'étais même sûre de ne l'avoir jamais vue, car je n'imaginais pas qu'on pût oublier ses traits lorsqu'on les avait vus une seule fois. Elle fit une petite moue comique en disant « Je vois bien que vous ne vous souvenez plus de cette pauvre Désirée Jolie. » « Désirée Jolie ?»« Ah, si, je m'en souvenais. C'était une petite fille qui faisait son noviciat. Elle avait un visage plus rose que les roses. Elle avait aussi une taille fine, et elle était rieuse et aimante. Elle sautait si fort quand elle jouait à la ronde avec nous, que sœur Marie-Aimée lui disait souvent « Voyons, mademoiselle Jolie, pas si haut, on voit vos genoux !» Et maintenant, j'avais beau regarder sœur Désirée des Anges, il m'était impossible de faire le plus petit rapprochement. Elle dit « Oui, le vêtement de religieuse nous change beaucoup. » Elle releva ses manches d'un geste vif, et avec la même petite moue de tout à l'heure, elle dit encore « Oubliez que je suis sœur Désirée des Anges, et rappelez-vous que Désirée Jolie vous aimait bien autrefois. » Elle reprit avec vivacité « Oh, moi je vous ai reconnue tout de suite, vous avez toujours votre figure de petite fille. » Quand je lui dis que j'avais imaginé une sœur Désirée des Anges bien vieille et bien méchante, elle répondit « Nous nous étions trompés toutes les deux. On vous avait montré à moi comme une fille vaniteuse et arrogante, et quand je vous ai vu pleurer au milieu de toute cette neige, j'ai pensé que vous aviez surtout de la peine, et je suis allée vers vous. » Après m'avoir aidée à me mettre au lit, elle sépara la chambre avec le rideau et je m'endormis aussitôt. Mais c'était un mauvais sommeil. Je me réveillai à tout instant. J'avais toujours une grosse pierre sur la poitrine, et quand je réussissais à la rejeter, elle se partageait en plusieurs morceaux qui retombaient sur moi et m'écrasaient les membres. Puis, je rêvais que je me trouvais sur une route pleine de pierres coupantes. J'y marchais avec une extrême difficulté. De chaque côté de la route, il y avait des champs, des vignes, des maisons. Toutes les maisons étaient couvertes de neige, tandis qu'un beau soleil éclairait les arbres chargés de fruits. Je quittai la route pour entrer dans les champs, et je m'arrêtai à tous les arbres pour goûter à chaque fruit, mais tous étaient amers et je les rejetais avec dégoût. Je cherchais à entrer dans les maisons couvertes de neige, mais aucune n'avait de porte. Je revins sur la route, et voilà que les pierres s'amoncelèrent autour de moi en si grande quantité qu'il me fut impossible d'avancer. Alors j'appelai à mon secours. J'appelai de toutes mes forces sans que personne n'entendît. Et quand je sentis que j'allais être enseveli sous l'énorme monceau, je fis un tel effort pour me dégager que je me réveillai. Pendant un instant, je crus que je rêvais encore. Le plafond de ma chambre me parut à une hauteur extraordinaire. La tringle qui soutenait le rideau blanc brillait par endroits, et la branche de buis clouée au mur allongeait son ombre jusque sur la Vierge, qui tendait les bras dans son coin. Puis un coq chanta. Il recommença plusieurs fois, comme s'il eût voulu effacer son premier chant, qui s'était arrêté court comme un cri d'angoisse. La veilleuse se mit à grisiller. Elle pétilla longtemps avant de s'éteindre, et quand tout fut devenu noir dans la chambre, j'entendis la respiration mince et régulière de sœur Désirée des Anges.